quatrième temps d'une série de la Fabrique de l'Histoire sur l'histoire du corps à l'occasion des rendez-vous d'histoire du monde arabe qui s'ouvre ce soir à l'Institut du monde arabe à Paris et dont le thème est justement le corps. Demain, nous nous intéresserons avec notre partenaire, le magazine L'Histoire, au corps au premier temps de l'islam, après avoir, depuis le début de la semaine, évoqué le corps du roi ou encore, hier, le corps dans l'Antiquité. Aujourd'hui, notre documentaire se souvient des années qui ont précédé, en 1975, la loi Veil sur l'avortement et de la façon dont militants et médecins se sont placés hors la loi volontairement en pratiquant ce qu'on appelait la méthode Karman d'avortement. Un documentaire signé Judith Chétrit et Anne Fleury, titré « Militer, avorter, légaliser 1972-1975 » avec les témoignages d'Olivier Bernard, de Chantal Birman, de Frédéric Lyotard-Schneider, de Kenizé Mourad, de Pierre Joanet, de Marianne Sartel et de Lucie Drouot, jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire ce matin. Je retrouvais des articles là dénigrant la méthode Karman, qui a le péché originel d'avoir été conçue non pas par un médecin mais par un psychologue. Donc ça a créé une immense méfiance de la part des hospitaliers, des médecins, et en fait ça a totalement écarté toutes les autres méthodes d'avortement jusqu'à l'arrivée bien sûr de l'IVG médicamenteuse. Qui est une autre alternative. Militer, avorter, légaliser, 1972-1975. Docteur Netter, j'ai entendu dire qu'un certain nombre de médecins envisageaient de pratiquer l'avortement malgré la loi et de le dire. Est-ce qu'il vous semble que ce serait une bonne manière de contourner la loi ? Je crois que c'est peut-être une bonne manière de parvenir, en effet, à faire admettre que la loi doit être modifiée. Nous étions tellement convaincus, d'une part, que c'était, nous étions dans le sens de l'histoire, que le mouvement que nous engagions était irréversible, convaincus qu'on ne pouvait pas se permettre de tergiverser et d'attendre des années que le monde politique discutaille pour arriver à pondre une loi, et que il y avait l'urgence d'aider ces femmes en détresse, et qu'à partir du moment où nous avions l'outil pour les aider, nous devions l'utiliser. Depuis 1920, une même loi en France réprime l'avortement et la contraception. En 1967, une partie de cette loi devient caduque. La loi Neuwirth autorise désormais la fabrication, l'importation et l'usage de contraceptifs. Mais pour le droit à l'avortement, même si les condamnations restent rares, c'est une autre affaire. Une bataille de chiffres oppose partisans et détracteurs. Il y aurait 100 000 à 500 000 avortements clandestins par an, puis une poignée d'avortements dits thérapeutiques pratiqués à l'hôpital lorsque la santé de la femme est en danger. Chaque année, quelques centaines de femmes en meurent sans que les causes du décès ne soient très claires. Nous sommes en 1972 et Olivier Bernard est un étudiant externe en médecine, en stage de réanimation médicale à Grenoble. Et ça a été un choc de réaliser que la majorité des personnes hospitalisées en réanimation, en dialyse, étaient des jeunes femmes autour desquelles planait un certain mystère. On ne disait pas trop pourquoi elles étaient là, mais elles souffraient toutes de septicémie. Et il s'avérait qu'elles étaient là à la suite de complications d'avortements clandestins. Non seulement elles étaient dans un état gravissime, j'en ai vu, dans mes 4 mois de stage, j'en ai vu mourir plusieurs, mais en plus j'étais choqué de la réaction du corps médical face à ces femmes qu'on présentait comme des femmes qui finalement avaient un petit peu ce qu'elles méritaient. Pour tout dire, j'avais été confronté moi-même avec la copine de l'époque à cette situation. Hein. Et donc ça, ça a été également ça, cette histoire personnelle plus cette découverte au niveau de mes études, ça a été le double déclic qui m'a amené à ce qu'a été ensuite l'engagement un petit peu de ma vie d'aider effectivement les femmes en demande d'interruption de grossesse. Voilà. Alors, pour les femmes qui étaient riches, elles allaient, enfin, toutes celles que j'ai connues, moi, à ce moment-là, allaient soit en Angleterre, soit en Suisse. Chantal Birman, sage-femme. Donc, il fallait pouvoir se payer l'intervention, se payer le voyage, se payer le fait de rester là-bas. Toutes les pauvres, il fallait trouver une adresse pour quelqu'un qui pose une sonde, parce que c'était la meilleure manière, à l'époque, de pouvoir se faire avorter. Et déjà, pour avoir l'argent pour la faiseuse d'ange, c'était déjà cher. Comme toutes les choses qui sont illégales, qui ne sont pas cadrées par la légalité, ben vous avez tous les prix. Georges ? Oui ? Il faut que je te dise quelque chose. Je suis enceinte ! Ah merde ! Si je le dis à mon père, il va me tuer ! Mais Françoise, comment as-tu fait? Tu ne pouvais pas faire. Attention! On pourrait pas se marier? Ah non, pas question de me marier, je suis trop jeune. Mais tu y es bien un peu pour quelque chose, non? Moi? J'y suis pour rien. C'est une affaire de fille. Les mouvements féministes renaissent en quelque sorte à partir des années 70. En 1970, c'est la première action à l'Arc de Triomphe. Frédéric Lyotard Schneider, du MLF, historienne. Dans la période précédente, il y avait eu ce que, par exemple, l'historienne Sylvie Chaperon appelle le creux de la vague. Et donc, cette revendication pour l'avortement, pour le droit à l'avortement plutôt, succède à deux autres revendications, mais qui n'avaient pas été soutenues par les féministes, puisqu'on était au creux de la vague, qui est celle de l'accouchement sans douleur, premier accouchement sans douleur en France officiellement 1952, et ensuite celle du droit à la contraception, qui est obtenue par la loi de 1967. Et là, on a donc une espèce de troisième étape pour la maîtrise du corps des femmes, hein, pour la maîtrise de leur corps. Grenoble, dans les années 70, était quand même un petit peu la ville de la nouvelle gauche. Hein, c'était la ville de Dubedoux à l'époque. Hein. C'était une ville où les choses bougeaient certainement plus, peut-être plus vite qu'ailleurs. Pour les questions de contraception et d'avortement, Grenoble avait déjà été, 10 ans plus tôt, la première ville de province où un centre de planification avait été créé au sein du planning familial. À l'époque, en 1972, il y avait déjà un groupe de femmes, autour notamment d'Annie Ferré-Martin, qui à Grenoble militait pour demander la libéralisation de l'avortement. Je donc rejoins ce groupe qui s'est rapidement affilié à l'association Choisir, Choisir qui avait été créée peu de temps avant par Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir. Et nous avons fait venir, à l'époque, c'était en juin 72, nous avons fait venir à Grenoble, justement, Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi, pour une grande conférence à la Maison de la Culture. Et à la suite de cette conférence publique, nous avons été assaillis, débordés de demandes concrètes de femmes qui venaient nous voir à la sortie en nous disant « Mais c'est bien beau de faire des belles paroles, mais moi, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ?» Et c'est là que, dans un premier temps, nous les avons aidés avec les moyens du bord. Les moyens du bord, c'était toujours d'introduire une sonde de la façon la plus stérile possible dans le col de l'utérus, et ensuite, dès qu'elles saignent, de leur dire de s'adresser à un chirurgien, et là, en l'occurrence, il s'agissait, on peut dire son nom, hein, c'était quelqu'un d'assez extraordinaire, Pierre Fugain, le père de Michel Fugain, qui était un ancien résistant de Grenoble, communiste, qui acceptait de recevoir les femmes dans de bonnes conditions, de leur faire un curetage. Mais très vite, il a été débordé et il ne pouvait plus les recevoir. Donc on était dans une impasse. Et on a eu l'idée d'aller voir comment ça se passait dans un pays où l'avortement était légal. Et donc, avec Annie, on a organisé un voyage à Londres, mi-juin 72. Et là, nous avons, dans un premier temps, été déçus de voir que la façon de pratiquer des avortements dans ce pays où c'était légal, c'était toujours le système de dilatation et de curetage sous anesthésie générale, avec un certain nombre quand même de risques, de façon assez traumatisante, et pas applicable en tous les cas sans un milieu hospitalier. Et la découverte, ça a été par l'intermédiaire de femmes du Women's Lib qui, elles, nous ont parlé d'un jeune Américain qui venait de passer à Londres un mois plus tôt, Harvey Carman, et qui avait proposé sa technique révolutionnaire d'aspiration avec des sondes souples en plastique, non traumatisantes, et qu'il avait proposé au milieu médical londonien qui l'avait refusé. Il n'a eu d'écho qu'auprès d'une gynécologue de King's College Hospital, Shirley Lewis, une médecin australienne, que l'on a contactée et qui nous a longuement expliqué comment elle pratiquait et comment elle avait été conquise par cette méthode d'aspiration. Et je suis retourné donc mi-juillet, là cette fois tout seul, passer une journée avec cette chirurgienne qui m'a montré, appris à faire des aspirations avec ce matériel. Kenneth et Morad, dans quel contexte rencontrez-vous Harvey Carman pour la première fois ? Je l'ai rencontré au Bangladesh, qui était nouvellement indépendant. J'étais journaliste au Nouvel Observateur, m'occupant de ces pays. Et j'étais envoyée pour voir comment ce nouveau pays se débrouillait. Il faut dire que c'était une misère atroce et que effectivement il y avait toutes ces femmes qui avaient été violées par les soldats pakistanais et aussi par les bandes de Mujtimaini qui étaient aussi des bandes paramilitaires. Et c'était une situation assez atroce. Et j'ai passé là quelques jours et je repartais et j'étais à l'aéroport et l'avion était en retard. Et il y avait là un homme assez grand, un visage intéressant, des yeux verts. Et on a commencé à parler. Il m'a dit « Je suis médecin et je suis ici depuis plusieurs semaines pour faire des avortements des femmes qui ont été violées. » Il commence à m'expliquer qu'il y avait une méthode très simple, qu'il allait dans les villages, il n'allait pas dans les hôpitaux, dans les villages où les femmes n'avaient rien, et avec sa méthode d'avortement par aspiration, avec une canule souple, il avortait, vraiment il a avorté des centaines de femmes après les violences du Bangladesh. Et je lui dis, mais vous savez, en France on a un énorme problème, parce que plein de femmes ont besoin d'avorter, c'est interdit, il faut aller en Suisse si on a l'argent, sinon c'est abominable ce qui se passe en France, il y a des femmes qui meurent. Il me dit, je sais. Il me dit, mais moi je viendrais bien en France pour démontrer ma méthode, mais il faudrait que vous me prépariez tout, que vous organisiez tout, et à ce moment-là, je viendrai. Je lui dis, d'accord, je vous organise les choses. Et parce que, bien sûr, pour moi, bon, moi déjà, comme beaucoup d'autres amis à moi, nous avions eu des expériences quand même très pénibles. Donc, moi, je rentre à Paris, et là, je commence... Je connaissais Joëlle Brunnery, en fait, qui était ma gynéco. Je lui en parle, elle me dit, mais c'est très intéressant. Elle commence à contacter des gens qu'elle connaissait, et là-dessus, à un certain nombre, nous disons, bon, on va le faire venir, et on va faire un avortement devant un certain nombre de médecins et d'infirmières qui sont intéressés par ça. Et il nous fallait une femme qui accepte d'être avortée devant une trentaine de personnes. Et finalement, je tombe sur une personne qui travaillait au Nouvel Observateur, qui était à la réception. La pauvre, c'était une jeune fille qui était dans tous ses états parce qu'elle était enceinte et que voilà. Et je lui propose, elle hésite un peu et puis elle était acculée, la pauvre, elle me dit oui. Donc à ce moment-là, j'ai contacté Carman, puis on s'est tous retrouvés par la suite chez Delphine Seyrig. Pierre Joanet. À la fin de mes études de médecine, moi, mon domaine de travail, ça a été la reproduction humaine. Je faisais de la recherche à l'INRA, à Jouy-en-Josas, un travail expérimental sur les lapins. Je faisais de la fécondation in vitro, d'ailleurs. Sinon, j'étais un des membres du groupe Information Santé, le GIS. Et dans ce groupe Information Santé, on avait créé un petit groupe qui s'appelait le groupe Sexualité, Avortement, Contraception ou Reproduction. On souhaitait agir dans le domaine sans bien savoir ce qu'on voulait faire jusqu'au jour où j'ai été informé de cette venue de Carman. J'avais rendez-vous dans l'appartement d'Elphine Seyrig, place des Vosges. Un magnifique appartement. Alors, c'était déjà très émouvant de se retrouver chez Delphine Seyrig, comédienne pour laquelle j'avais beaucoup d'admiration, et donc se retrouver chez elle un dimanche matin, c'était vraiment déjà très émouvant. Et je suis arrivé dans ce salon, il y avait une quinzaine, une vingtaine de personnes qui étaient là, essentiellement des femmes. Bon, j'ai compris que c'était des militantes du MLF, ou de groupes féministes ou autres. Et puis une jeune fille qui était impliquée dans un coin, qui était la jeune fille enceinte sur laquelle serait fait l'avortement. Et puis un homme, Harvey Carman. Et nous étions tous les deux seuls hommes de l'assistance. On s'est mis à parler, sauf que lui ne parle pas français, moi je parle à peu près anglais, donc on a pu échanger. À un moment donné, donc la jeune femme s'est allongée sur une table, avec Harvey Carman a sorti son matériel, des canules, des seringues d'aspiration. Il m'a dit, puisque tu es médecin, est-ce que tu peux m'aider pour faire la technique d'avortement? Donc je n'étais pas en retrait, j'étais avec Carman pour l'aider à faire l'aspiration. Et c'est vrai que j'ai pu voir à quel point ça se passait de manière simple et apparemment sans trop de douleur pour la jeune fille. Pierre Joanet était notre cadre dans un groupe maoïste. Marielle Isartel. Après 68, 69, 70, par là. En 71, ça ne lui a plus du tout. Il s'est éloigné, mais nous sommes restés amis. Et nous faisions partie de ce groupe Information Santé, qui est un groupe complètement informel, essentiellement de médecins, un petit peu aussi de soignants, mais aussi de gens comme moi qui n'étaient ni l'un ni l'autre. On en faisait partie, il n'y avait pas de carte, il n'y avait pas tout ça. Bon, on allait dans le nord, dans les mines, enfin pas dans les mines, mais dans les corons, enfin bon, voilà. Au moment où Pierre Joanet a eu cette idée, je le revois encore, je revois Pierre Joanet arriver à la maison et nous dire « Je viens d'assister à un avortement totalement différent » De ce qu'on connaît jusqu'à présent. Il s'appelle l'avortement Carman. Et si on pouvait faire à quelques-uns, si on pouvait être une quinzaine de médecins à signer un manifeste qui dirait « Nous pratiquons cet avortement Carman et nous le pratiquons gratuitement, sans nous cacher », eh bien, ça pourrait faire un acte de désobéissance civile extraordinaire qui pourrait rappeler le manifeste des 343 femmes d'avant. J'ai tout de suite pensé que ce que nous, médecins, pourrions faire pour faire avancer les choses, c'est nous faire des avortements. Donc très vite, je l'ai proposé à mes amis. J'ai rencontré un certain nombre de réticences. Parce que c'est vrai que nous tous, jeunes médecins, nous avions une image très négative de l'avortement. Nous n'en voyions que les complications à l'hôpital. Donc tout le monde m'a dit, mais enfin, t'es fou, c'est pas possible, etc. Et puis donc, voilà, on a discuté, on a lu des articles médicaux sur la technique de Carman, on s'est documenté, etc. Et progressivement est arrivée l'idée que, oui, bien sûr, il fallait en faire. Sur le plan technique, ce qui avait très, très intéressant, c'est cette canule qu'on appelle canule de Kerman, qui c'est vraiment son apport original et personnel, hein, c'est d'avoir inventé une canule qui est une canule en plastique. Avec une canule métallique, par exemple, ou une curette, comme ça se faisait, le risque qu'il y a, c'est que on transperce la paroi de l'utérus quand on rentre à l'intérieur de la cavité utérine. Là, avec la canule Kerman, si on touche la paroi, elle se plie. L'extrémité se plie. Elle est faite de telle manière qu'elle n'est pas du tout traumatisante pour la paroi utérine. Ensuite, les encoches qui sont dans la canule, par lesquelles vont passer les produits embryonnaires qu'on va aspirer, sont calculées de telle manière que on peut aspirer assez facilement le contenu de l'utérus. En plus, des canules, il y en a de différentes tailles en fonction de l'âge de la grossesse. Et donc, c'est ça l'apport spécifique de Kerman. Et ces canules, d'ailleurs, il m'en a laissé quelques-unes quand il est parti, hein, m'a donné les coordonnées du laboratoire en Grande-Bretagne où on pouvait se fournir en canule. Non seulement c'était un matériel beaucoup moins traumatisant, Olivier Bernard, mais en plus, ça permettait de le faire en ambulatoire, pas forcément en milieu hospitalier. Hein. Et c'est comme ça qu'on a pu, à Grenoble, effectivement, utiliser ce matériel. Alors, ça a été d'abord dans une chambre de cité universitaire, puis ensuite, nous avons loué un local à la Villeneuve de Grenoble, dans lequel nous étions 6 ou 7 à pratiquer à tour de rôle, 7 jours sur 7, des avortements. Au début, quand on n'avait pas encore beaucoup d'expérience, on devait le faire jusqu'à 8 semaines à peu près de grossesse ou 10 semaines d'aménorrhée. Et puis ensuite, on le faisait jusqu'à 12 semaines d'aménorrhée, quoi. Combien d'avortements on faisait ? Peut-être 10 par jour, quoi. Et ce groupe de médecins parisiens, Pierre Joannet, Joël Brunerie, Jean-Daniel Reynorne, nous ont contactés à ce moment-là. Et au mois d'octobre, on a organisé à Grenoble 3 jours de ce qu'on a appelé un séminaire de formation où on a reçu des médecins, des étudiants en médecine, un petit peu de toute la France, mais surtout le groupe de Paris, qui sont venus se former auprès de nous pour démarrer la pratique, quoi. Voilà. Donc on a échangé avec eux. Et on est rentré à Paris et on a commencé à faire des interruptions de grossesse. Après, nous avons pensé que notre pratique devait s'inscrire dans une perspective politique. Et donc c'est de là qu'est sortie l'idée du manifeste. Nous avons dit on ne peut pas se contenter de faire des interruptions de grossesse, il faut qu'on le fasse savoir. Donc on a tout de suite convenu que les avortements qu'on ferait seraient dans une sorte de protocole, si vous voulez, d'étude, c'est-à-dire que chaque avortement qu'on faisait, on écrivait tout ce qu'on faisait, l'âge de la grossesse, l'état de la femme, comment ça s'était passé, les éventuels incidents rencontrés, etc. Et donc, on a constitué un dossier qui relatait notre expérience de la pratique de l'avortement. Et quand on a avancé dans notre travail, on a eu un contact avec un journaliste du Nouvel Observateur qui s'appelle Hervé Chabalier. Et il nous a dit que son journal était d'accord pour publier notre manifeste. Alors, juste un truc, bon, c'est une anecdote, mais il y avait eu avant le manifeste des 343 femmes qui avaient dit faire des avortements. Et si on a été 331, c'est parce qu'on avait dit qu'il ne faut pas qu'on soit plus nombreux que les femmes. Donc quand on est arrivé vers 300, on a dit que c'est le moment de publier notre manifeste. Pierre Joannet, pourquoi vous avez eu envie de documenter les avortements que vous pratiquiez? Ça nous semblait essentiel de documenter. On s'attendait d'ailleurs à ce qu'on soit attaqué sur le plan médical pour faire des choses qui étaient dangereuses. Et nous étions médecins, donc on voulait vraiment montrer que l'avortement n'était pas ce qu'on croyait. D'ailleurs, c'était très intéressant parce que quand le manifeste est sorti et quand notre dossier a été publié, les institutions médicales qui étaient plutôt hostiles à notre initiative n'ont pas trouvé d'angle d'attaque pour condamner notre travail sur le plan médical, parce qu'effectivement les choses avaient été faites de manière très rigoureuse. Mon corps est à moi et c'est moi qui sais si je veux ou pas mettre bas. Au sein de l'association Choisir, il y a eu un gros, gros clivage avec la direction nationale de Choisir et notamment avec la personne de Gisèle Halimi, pour qui le combat pour faire changer la loi devait être un combat uniquement dans la légalité, en utilisant l'arme du droit. Et donc pour elle, le moment important, ça a été notamment le procès de Bobigny et toute la mobilisation qui a été organisée autour du procès de Bobigny. Mais par contre, elle vivait très mal le fait que nous nous mettions hors de la légalité, que nous anticipions le changement de la loi pour pratiquer des avortements. Et il y a eu des réunions de choisir à Paris qui ont été extrêmement houleuses. Et moi, je me suis fait éjecter manu militari d'une réunion nationale de choisir en disant la pratique que nous avions à Grenoble des avortements. Et donc, à partir de là, s'est créée effectivement une autre structure qui a été le MLAC, le Mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception, qui s'est créé au niveau national et auquel le groupe Choisir de Grenoble s'est raccroché. Alors, ça ne s'est pas fait tout seul. On a rencontré différentes personnes pour construire ce mouvement, principalement deux femmes qui ont joué un rôle important dans l'aventure. D'une part, Simone If, qui présidait la section de Paris du planning familial, qui a été d'emblée très convaincue par ce qu'on faisait, avec qui on a collaboré sur ces questions-là, et qui nous a beaucoup soutenus parce qu'elle avait l'infrastructure du planning familial, avait l'expérience, etc. Et puis, une deuxième personne qui a joué un rôle important, c'est Jeannette Lahotte, qui était vice-présidente de la CFDT à l'époque. Et la CFDT, en tant que syndicat, ne pouvait pas s'engager, mais Jeannette Lahotte et l'organisation syndicale nous a beaucoup aidé quand même à construire le mouvement. Et quand on a créé le MLAC, il y avait plusieurs dizaines de représentants de mouvements variés qui ont construit le MLAC. Ce qu'il y a de particulier, c'est que j'étais donc à ce moment-là bébé sage-femme. Ça, c'était mes premières années de pratique à l'intérieur d'un lieu particulier qui est la maternité Les Lilas. Chantal Birman. Donc, j'entends parler de Carman, j'entends parler de ce qui se passe dans les premières créations de MLAC médecins. Et dans le quartier dans lequel je suis, dans le 19e à 20e arrondissement, j'entends parler de femmes qui se réunissent pour pouvoir faire des avortements à d'autres femmes. Donc là, je suis uniquement sur la société civile. Et il se trouve que je suis amie avec ces femmes-là et que donc je vais me retrouver en train de faire des avortements. Le MLAC dans lequel j'étais, c'était essentiellement des institutrices, c'est-à-dire beaucoup d'enseignantes, des MLAC de femmes qui vont prendre en charge un acte chirurgical avec des meilleurs résultats en pratiquant la méthode Carman, c'est-à-dire on avait monté une pompe à vélo à l'envers, c'est-à-dire qu'au lieu d'insuffler de l'air, elle aspirait de l'air, c'était relié à un manomètre et donc on faisait les aspirations pratiquement toute sécurité, puisque dans le MLAC, on faisait à peu près 10 avortements par semaine en moyenne sur deux équipes dans le MLAC où j'étais. Et moi, je me rappelle que deux fois où on s'est retrouvés à la maternité des Lilas, parce que tout de suite, on a compris que la grossesse qu'on était en train d'aspirer était plus avancée en semaine d'aménorrhée que celle qui avait été annoncée par la femme. Voilà. Notre position à Grenoble, qui n'était pas celle de tous les MLAC, hein, notre position à Grenoble, c'était que le geste lui-même de l'aspiration était un geste facile à apprendre, hein, qui n'avait pas besoin d'avoir fait des années d'études de médecine pour le faire, que par contre la gestion de la suite, des éventuelles complications, rendait préférable que ce soit quand même quelqu'un qui ait un minimum de connaissances médicales qu'il fasse. Voilà. Donc il y avait un groupe de praticiens, donc étudiants en médecine, médecins, infirmières, et un groupe que l'on appelait le groupe des intermédiaires. Presque toutes étaient des femmes qui avaient elles-mêmes vécu un avortement et qui se proposaient de nous aider dans ce combat et qui étaient chargées d'accueillir, de recevoir les demandes des femmes, d'avoir un premier entretien avec elles et ensuite de les accompagner le jour de l'aspiration et d'être présente auprès d'elles et de... Voilà. Spontanément, on avait mis en place l'histoire de l'entretien, c'est-à-dire qu'on recevait les femmes pour parler de ce qui leur arrivait dans le lac où j'étais. C'était en groupe et on discutait et chacune parlait autour de ça. Et comment on leur parlait, on commençait souvent, par exemple, par leur dire que si elles étaient enceintes, c'est qu'elles n'étaient pas stériles. À l'époque, le poids de la stérilité pour les femmes était très important. Deuxièmement, vous êtes dans les meilleures mains pour ne pas le devenir. Parce qu'à l'époque, soit c'était nous, c'est-à-dire avec un taux de résultats extrêmement positif, soit c'était la sonde. Donc, c'est sûr que là, il valait mieux que ce soit avec nous. Donc ça, c'était le numéro 2. Et le numéro 3, leurs histoires. Très, très vite, elles se mettent à raconter leurs histoires. Mais moi, ça continue. C'est-à-dire, moi, il suffit que je dise que je sois sage-femme. Quel que soit le pays où je vais, les femmes me racontent leurs accouchements, leurs enfants, leurs avortements, leurs fausses couches. Elles me racontent leur vie gynécologique dans les, allez, on va dire, les 3 minutes qui suivent. Ça veut dire qu'il y a une langue commune au niveau des femmes. Eh bien, c'est ça qu'on leur apprenait, cette langue commune, plutôt que de les renvoyer à de la psy tout le temps. Voilà. Cet échange permet que l'avortement, qui est un acte de l'intimité, qui est un acte solitaire sur son propre corps, devienne un acte solidaire. Et quand l'avortement a lieu, on propose à la femme de voir son sexe dans un miroir et de voir l'acte lui-même, donc de suivre en quelque sorte ce qui se passe. Ce qui est totalement différent d'un acte médical où on se confie au médecin et où on espère qu'il fera tout bien. Là, il y a bien un début de maîtrise de ce qui se passe dans le corps de la femme. Et ça, c'est important pour la prise de conscience des femmes. C'est ce que veulent aussi ces militants du GIS ou du MLAC qui sont des militants d'extrême gauche. Donc ils veulent la révolution, ils veulent que les gens prennent conscience de certaines choses, et c'est l'occasion. Les gauchistes voulaient prouver qu'on pouvait se passer et qu'on pouvait lutter contre l'institution hospitalière, médicale, etc. L'avortement méthode Carman, c'était l'idéal. Bien plus que la contraception. Parce que la contraception sans pilule ou sans stérilet, c'est pas sûr. Donc, ils avaient là un moyen idéal. Ils se sont servis des femmes, mais les femmes aussi se sont servies d'eux. Lucille Ruot, sociologue. En fait, on s'aperçoit dans les archives que beaucoup de groupes déploraient le fait que les avortantes, et les, donc devenues des avortées, ne viennent pas militer après l'avortement. Et je pense notamment au groupe d'extrême gauche engagé dans ces MLAC. Ils étaient assez frustrés par, on va dire, cet échec de la conscientisation, pour reprendre le terme dominant, sur ces femmes qui venaient utiliser un service. Certains groupes mettaient en place tout un ensemble de pratiques pour encourager leur engagement après l'avortement. Et notamment un procédé en particulier qui consistait à dire aux femmes, si vous voulez revenir à la permanence de la semaine prochaine pour raconter comment ça s'est passé pour vous, cet avortement, en fait, il n'y a rien de plus rassurant pour les femmes qui vont venir la semaine prochaine pour demander un avortement d'avoir votre témoignage. Donc vous pouvez revenir témoigner. 14 juin 1973, Assemblée nationale, Michel Poniatowski, ministre de la Santé publique. L'interruption de grossesse ne saurait en aucun cas être considérée comme un moyen contraceptif. Bien au contraire, sa pratique doit disparaître au profit d'une utilisation consciente et voulue des différentes méthodes de régulation des naissances. L'interruption d'une grossesse, même lorsqu'elle est pratiquée dans les conditions techniques les plus satisfaisantes, comporte des risques. Même avec la méthode la moins dangereuse, par aspiration, dénommée Carman, et qui en fait a été mise au point en 1958 en Chine, des dangers subsistent. Si la mortalité est presque nulle, les risques d'accidents plus ou moins sérieux existent et atteignent dans les pays où ils sont appliqués librement 2%. Et ça éclaire aussi la popularité du terme méthode Karman en France. Si cette appellation a eu autant de succès, c'est parce qu'il y a eu tout un tapage médiatique organisé autour de cette technique, pour notamment la propager, hein, mais pour encore une fois défier les pouvoirs publics. Ce qui est très intéressant, donc, c'est que notamment, je pense à ce qu'explique l'historienne Michelle Murphy, c'est que cet homme, donc Harvey Karman, s'est forgé une réputation très positive sur la scène militante locale de l'avortement clandestin aux États-Unis, et que par là, il a fait écran aux recherches développées par les groupes féministes, et notamment des groupes féministes qui ont collaboré avec lui dans des cliniques illégales d'avortement à Los Angeles, sur le matériel, sur des méthodes de soutien moral des avortantes et sur le soulagement de la douleur. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que dans la manière dont la méthode d'aspiration a été popularisée en France, même les méthodes d'accompagnement émotionnel des avortantes, toutes ces méthodes sont attribuées à la personne d'Harvey Karman. C'est vraiment toute cette mise en récit qu'il faut prendre en compte. Je voulais, figurez-vous, moi faire un livre sur lui, à une époque, que je n'ai jamais fait. Donc je l'ai interviewé assez longuement. Kenizé Mourad. Et j'ai eu des choses sur comment il en est arrivé là et son enfance. C'était un enfant d'une famille assez pauvre. Il me disait qu'il allait dans la bibliothèque de la petite ville où il était. Il se cachait le soir pour rester. Il s'enfermait, était enfermé dans la bibliothèque. Il lisait toute la nuit. Et donc c'est un homme qui s'est fait complètement par lui-même. Sa méthode, c'était en Chine. Il l'a trouvé en Chine, il est allé en Chine. Et par la suite, il a amélioré la méthode chinoise, qui se faisait plus ou moins avec des pompes à bicyclette. Il me disait avec des pompes à bicyclette, plus ou moins. Et il m'a dit qu'il avait eu des problèmes, qu'il avait des problèmes aux États-Unis avec des groupes féministes qui n'acceptaient pas qu'un homme s'occupe du corps des femmes ou d'avorter des femmes. Et qui pensaient que c'est des femmes qui devaient le faire et qu'un homme n'avait rien à voir. Mais je sais que Harvey Karman voulait que cette méthode puisse être faite par des... Et c'est pour ça qu'il a fait au Bangladesh et dans beaucoup de pays, faite par des femmes qui n'avaient pas de formation, qui en tout cas pas des médecins, et des femmes qu'il a formées, et qu'il formait, mais en quelques jours, enfin en peu de temps. Je pense que lui était pour que ce soit pas seulement des médecins. Également en France, également dans les pays développés. C'est en ça qu'il était... peut-être un peu pas très aimé du corps médical ou de gens comme ça, parce que lui, il était pour que des femmes qui ne soient pas médecins puissent faire des avortements. Le samedi à 15h, permanence d'accueil dans le 5e arrondissement à Paris. Alors tout de suite, je vous dis de ne pas venir les unes après les autres. Sachant que vous ne serez pas prise d'abord par le nom que vous êtes et ensuite par l'information que je vous ai donnée, à savoir qu'il y en aurait 22 de prises sur Paris. Donc, oui, c'est ça. Oui, d'autre part. Oui, d'accord. Oui, le fait qu'on soit 22, vous savez, qu'on en prenne que 22 cette semaine, peut vous amener à vous dire pourquoi. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il n'y a qu'une équipe de très très peu nombreuses qui fonctionne, de médecins. Il y a beaucoup de signataires, mais il n'y a que, je ne sais plus, une vingtaine ou 25 médecins de formés seulement, ce qui est vraiment très très peu. Hein? Et d'autre part, vous voyez bien tout l'attroupement qu'on a fait dehors, les flics ne s'amènent pas. Pourquoi ? C'est parce qu'ils ont intérêt aussi, le gouvernement a intérêt à ce qu'on fonctionne toujours de cette manière. Mais nous, on ne veut plus. On ne veut plus fonctionner comme ça parce que ce n'est pas possible. Au printemps 1973, Marielle Isartel et son compagnon, le cinéaste Charles Belmont, tournent et montent Histoire d'A, un film sur les débuts des MLAC et la diffusion de la méthode Karman en France. Ce long métrage, en noir et blanc, montre notamment le déroulement précis d'un avortement. Au départ, le film est prévu pour être diffusé dans les cercles militants. À un moment donné, Charles s'est dit, tiens, on va le sortir, parce qu'il n'avait jamais été question, on va le sortir en salle, on va avoir de l'argent, et avec cet argent, on va faire un centre d'orthogénie. Mais le film, il n'avait aucune existence légale. Donc, il a fallu que le directeur du centre du cinéma de l'époque, Chausserie Lapray, comme il était très cinéphile aussi, qu'il aimait beaucoup les films de Charles, il a fait que des contrats antidatés. On a pu remettre le film dans la légalité du point de vue du tournage, pour pouvoir arriver tranquillou devant la commission de censure, qui est arrivée à une interdiction au moins de 18 ans, je crois. Le film est interdit finalement de distribution commerciale. Il est également interdit à l'exportation. Il est interdit également en projection privée. Il est uniquement autorisé dans le cercle familial autour de... Bon. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très poussé. Il n'y a pas tant de films que ça qui ont toutes ces interdictions. C'est parce qu'on a mis le pouvoir face à une impossibilité que ça a créé cette interdiction et la suite. Il ne pouvait pas l'autoriser. Comment pouvait-il autoriser cet avortement réellement commis qui est totalement interdit à l'époque? Après cette interdiction, nous avons décidé de pousser plus loin la désobéissance, c'est-à-dire de le sortir quand même en salle. C'est en novembre, voilà, en novembre 73, oui, que nous avions prévu de passer Histoire d'art, donc qui était donc interdit. Olivier Bernard. Et il y a eu un cinéma d'arrêt d'essai à Grenoble qui avait accepté de le diffuser. Donc on avait fait beaucoup d'informations, de publicité pour cette diffusion. Et le jour de la diffusion, la police est intervenue de façon assez violente, puisqu'il y a même eu... Une blessée qui se trouvait être en plus la fille d'un adjoint au maire, donc ça a eu particulièrement de répercussions. La bobine a été confisquée. Moi, je me suis retrouvé arrêté également et emmené au poste de police. Et puis finalement, on avait prévu les choses, on avait une deuxième copie, ce qui fait qu'on a pu quand même passer le film ailleurs, à la Bourse du Travail. À chaque projection, aussi diverse qu'elle soit, il y avait la possibilité que la projection soit réprimée ou qu'elle ne le soit pas. Et à chaque fois, nous, on essayait de pousser au plus loin possible, puisqu'ils perdaient de toute façon. Donc ça a donné des choses très, très amusantes. Hein. Et ce qui était intéressant, c'est que souvent, enfin parfois en tout cas, il n'y avait pas encore de comité MLAC. C'était l'occasion de le créer. Car finalement, je ne sais pas si l'information qu'a donné ce film, c'était l'information sur la méthode Carman, j'ai plutôt l'impression que c'était l'information sur un mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception qu'il ne faut jamais oublier. Et c'est plutôt ça qu'a fait ce film. Nous avons l'impression que ce qui a accéléré effectivement le vote de la loi de décembre 1974, hein, c'est effectivement de mettre quand même le pouvoir face à une contradiction insoluble, c'est-à-dire un état de fait qui était un nombre croissant de personnes qui disaient ouvertement qu'ils se mettaient hors la loi, et l'impossibilité de faire appliquer la loi, parce que la seule fois où il y a eu une arrestation, quand il y a eu une plainte des parents d'une jeune mineure qui a abouti à l'arrestation d'Annie Ferré-Martin et à la confiscation de notre matériel. Ça a été loin d'être un pas en arrière. Ça a été le lendemain 10 000 personnes dans la rue à Grenoble, une mobilisation massive et l'obligation de libérer Annie et de faire un non-lieu. Pendant la campagne 1988, présidentielle, France Culture, le candidat Valéry Giscard d'Estaing avait évoqué cette question et avait dit qu'il faudrait trouver une solution législative, qu'il fallait modifier la loi. Parce qu'il y avait un trouble considérable à l'ordre public, la situation n'était pas tenable. Et dès que j'ai été nommée le lendemain même de ma nomination, et qu'il y a eu la passation de pouvoir au ministère de la Santé, M. Michel Poniatowski était mon prédécesseur, et je me souviens très bien que la première chose il m'a dit, il y a une chose urgente qu'il faut régler, très très vite, c'est le problème de l'avortement, parce que vous arriverez un jour dans votre bureau, il y aura un avortement sauvage pour vous confronter au problème, puisque c'est ce qui se passait. Il y avait eu des femmes qui s'étaient rendues dans des hôpitaux, dans des maternités, puis qui avaient pris en quelque sorte possession d'une salle de travail pour faire un avortement, pour justement provoquer un choc. Même après le vote de la loi Veil, donc en 1975, même après, pour mettre en place ce qu'on va appeler les centres d'interruption volontaire de grossesse... Frédéric Lyotard-Schneider. On va pas trouver le médecin. Parce que l'opposition de l'ordre des médecins, mais des médecins aussi eux-mêmes, va être si forte qu'ils vont obtenir ce qu'on appelle la clause de conscience. Et la clause de conscience fera qu'on va trouver difficilement des médecins pour intervenir dans les hôpitaux. Et ce seront aussi des médecins militants. Parce que ils seront mal vus de leurs confrères. Ils seront très peu payés, par exemple, à la vacation. Et ils essaieront, eux, de dynamiter un peu l'hôpital, mais de l'intérieur. Donc j'ai tout de suite rejoint l'équipe qui démarrait des interruptions de grossesse dans la légalité à l'hôpital. Mais enfin, la création du centre d'IVG à Grenoble après la loi Veil, à Rennes plutôt, le lapsus, non, à Rennes après la loi Veil, ça s'est fait de façon un peu particulière, parce que, enfin, comme dans beaucoup d'autres villes, le chef de service de gynécologie à Rennes était très anti-IVG. Lui n'avait aucune envie d'avoir ça dans son service. C'est finalement le chef de service de neurologie et le chef de service de néphrologie, donc qui n'ont rien à voir, mais qui étaient des médecins très progressistes, qui ont accepté de se mettre à faire des avortements pour permettre, parce qu'il y avait déjà quelques généralistes qui étaient prêts à le faire, mais l'hôpital ne voulait pas ouvrir un centre qu'avec des médecins généralistes extérieurs. Donc ça a ouvert comme ça, et ensuite, dès que ça a ouvert, les médecins généralistes sont venus en faire, et les deux hospitaliers ont pu repartir dans leur spécialité. En 1975, la majorité des MLAC arrête la pratique. Alors, il faut savoir que déjà, certains groupes s'arrêtent dès l'automne 1974, pendant les débats parlementaires. Lucile Ruot. D'autres continuent la pratique pour assurer, on va dire, le relais avec l'hôpital. Et puis, d'autres, enfin, continuent l'avortement pour ce qu'ils appellent les exclus de la loi. Et puis aussi, dans l'idée de ne pas remettre entièrement dans les mains de la médecine la pratique abortive. Mais évidemment, l'avortement hors cadre médical reste passible de prison en 1975. Il y a eu ce procès important en mars 1977 du MLAC d'Aix. On peut dire qu'il réactive les différentes fractions constitutives de la lutte pour l'avortement 2 ans avant, et que l'objectif, c'est évidemment de rallier les soutiens et d'avoir un maximum de monde le jour du procès à Aix-en-Provence. Et d'ailleurs, la foule ce 10 mars 1977 est massive devant le tribunal, et donc elles s'en servent en effet comme tribune politique pour revendiquer leur pratique qui a lieu depuis 1973 et pour dire nous continuerons. La réussite de la méthode Karman, justement, c'est qu'elle a été transférée dans les hôpitaux. Et c'est aussi qu'elle a fait bouger les hôpitaux. Au moment de l'avortement, de l'IVG, comme on dit, dans le bloc opératoire, il y aura non seulement le médecin, mais il y aura une militante, une conseillère. Il y aura aussi des fois l'époux, le mari, il y aura des fois la sœur de la femme, donc une partie de sa famille qui pourra être là. Et ça, c'est une grande révolution, parce que pour pénétrer dans un bloc opératoire, il faut mettre des blouses, il faut se laver les mains, enfin, il y a tout un protocole. Et ce protocole s'est donc ouvert à des gens qui n'étaient pas médecins. Et le rôle de la conseillère, un rôle que j'ai tenu pendant plusieurs années, c'était de rassurer la femme, mais de lui expliquer. Hein, pas seulement de lui dire ça va aller ou ce genre de choses, de lui expliquer ce qui se passe, de discuter avec elle, de lui dire là vous sentez ça, ben, le médecin par exemple a ouvert votre col, etc., etc. Et donc, on peut dire que la méthode Karman s'est en quelque sorte transportée dans ces centres IVG-là. C'était à la fois beaucoup plus facile, beaucoup plus sécurisant, beaucoup plus confortable sur le plan technique, bien sûr, de pratiquer dans un local hospitalier avec la sécurité en cas de souci des chirurgiens, des anesthésistes par derrière s'il y avait un problème, hein, tout ça. Par contre, c'était une grande perte, je dirais, dans la qualité humaine de la pratique et la distance qui se créait entre le praticien et la femme qui venait demander une IVG. Non. Alors qu'il y avait un côté, quand nous faisions ça avant la loi Veil, l'impression que praticien et patiente, on était dans le même bateau, dans le même combat, et participaient ensemble à une lutte commune. Militer, avorter, légaliser. 1972-1975, avec Olivier Bernard, Chantal Birman, Frédéric Lyotard-Schneider, Kenny Zemmourad, Pierre Joannet, Marielle Issartel et Lucille Ruault. Prise de son, Laurent Lucas, Claude Nior et Nasser Moussaoui. Mixage, Stéphane Desmond. Coordination, Aurélie Marcet, Céline Leclerc et Marion Dupont. Un documentaire de Judith Chétrit, réalisé par Anne Fleury. Demain, la Fabrique de l'Histoire continue exceptionnellement cette thématique sur l'histoire du corps, puisqu'elle a été conçue en partenariat avec l'Institut du Monde Arabe à l'occasion des rendez-vous d'Histoire du Monde Arabe qui commencent ce soir à Paris, donc à 19h, un débat que nous aurons autour de la question des caricatures et du corps dessiné. Demain, donc, nous vous parlerons du corps au premier temps de l'islam dans la Fabrique de l'Histoire. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, ce documentaire ou toutes les autres émissions de la Fabrique de l'Histoire, allez sur le site franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter à l'adresse Fabrique FC. Fabrique FC. À demain.